The very speed. I'm going Je plaisante pas, idiot, c'est la musique. Mon esprit sent sur mon propre esprit. Et après tu es triste. Thank you.

Thank you.